s'endort tout là-haut. Dans la maison, la nuit s'installe. Le silence trouve enfin sa place. À cet enfant qui rêve, et mon amour pour elle s'enflamme. Elle, mon unique source de joie. Amour total sans équivoque. Pourquoi me suis-je écartelé? Je t'apporterai tant de choses.